on enchaîne avec la bof nouvelle du jour. Une bof nouvelle, pour vous rappeler, c'est une nouvelle tiède, une nouvelle qui ne fait ni chaud ni froid, que nous ne sommes pas sûrs d'être ravis de savoir. Mais bon, enfin bon, nous la sachons. La bonne nouvelle du jour, c'est que le géranium revient à la mode. C'est une info qui nous vient tout droit de la RTS. La diversité et la résistance du géranium face au changement climatique expliqueraient ce regain de succès. Je cite, dans les années 60-70, le géranium était un symbole d'une Suisse bourgeoise avec des valeurs conservatrices, explique le directeur du musée alpin suisse. Aujourd'hui, il existe des centaines de sortes de géraniums qui ont été développés avec des couleurs, des odeurs et des feuilles différentes. Le géranium est une vedette du monde globalisé, affirme Beat Eschler, également co-auteur de Unser Geranium. Il s'adapte à toutes les cultures du monde. On le trouve en Andalousie, en Équateur, en Suisse, en Bavière. Donc c'est vraiment une plante qui peut survivre, même si le reste du monde a un problème. Ça, c'était une citation, hein. Voilà, donc le géranium, c'est en même temps un véritable emblème de la Suisse, mais en réalité, il est originaire d'Afrique du Sud. Voilà, colonisation, tout ça. C'était la bof nouvelle, tout ça. Je veux dire, on n'a pas assez de temps après pour parler. Oui, c'est ça. Voilà, ça vous a remonté le. Ça, ce qui me ravit, c'est que moyenné. Le géranium a été aussi utilisé comme une sorte de répulsif pour les moustiques, non ? C'est pour ça qu'on le mettait aux fenêtres pour éviter de se faire piquer la nuit. C'est ça. C'est plutôt réjouissant. Pas trop pour les moustiques. Mais on peut toujours aller dormir à la belle étoile et leur servir un petit repas. Oui. C'est ça, servir de repas au géranium, tu dis, ou servir de repas aux moustiques. D'accord. Je ne sais pas. Remarque, après avoir servi de repas aux moustiques, on sert de repas au géranium, c'est ça ? Peut-être. Hop. Bref. Ça évite le cannibalisme. Ça évite un Nutri-Score assez pauvre. Oui. D'ailleurs, je me faisais la réflexion que finalement, c'est intéressant qu'une condamnation du cannibalisme soit une condamnation liée à la parole nutritif, en fait. Enfin, finalement, éthique. Second plan. Il faut être en bonne santé. Voilà. D'ailleurs, on avait. Oui. C'est ça, ou soi-même. On se demandait d'ailleurs, ben voilà, c'est une petite piste de réflexion pour aujourd'hui ou pour des moments où vous vous ennuyez, ce qui, peut-être arrive, j'espère, pour vous. Quel Nutri-Score êtes-vous ? Voilà. Et peut-être il vaut mieux arrêter de se ronger les ongles ou les doigts.